me sauver la vie. Veux-tu voir Anthony qui sourit? Si tu veux me voir rempli de joie, lorsque la tuile tombera du toit, prie pour qu'elle tombe sur moi, prie pour qu'elle tombe sur moi, prie pour qu'elle tombe sur moi, prie pour qu'elle tombe sur moi. Il faut vivre jusqu'à en mourir. Seulement moi, je veux en finir. Quitter la misère de ce monde. Et lorsque la maison s'effondre, prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Quelle solitude avec toi, ma chérie. Tu es mon mal-être et mes soucis. Peut-être qu'une fille pourrait me sauver lorsque la jolie Émilie marche sur ses lacets. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie pour qu'elle tombe sur moi. Prie.